Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, une émission, en effet, qui vous déshabille. Mais ce n'est pas nous qui vous déshabillons, non pas que l'idée ne nous séduise pas, non, mais c'est la télé qui l'a fait. Diffusée sur la RTBF dès 1985, l'émission Striptease, créée par les Belges Marco Lamensch et Jean Libon, arrive sur France 3 en 1992, elle y restera jusqu'en 2012. 27 ans de vie. C'est aussi l'âge des icônes parties trop tôt, Kurt Cobain, Jimi Hendrix ou Jim Morrison, qui font partie de ce convoité club de 27. Car Striptease, oui, est iconique. En 850 épisodes, ses créateurs ont imposé à la télé belge et française une langue nouvelle aux confins du journalisme et du cinéma. Des documentaires de 13 minutes, comme autant de tranches de vie, des vies d'une extraordinaire banalité ou d'une banalité extraordinaire, c'est selon. Une émission qui fait rire souvent, qui émeut parfois et qui gêne presque toujours. Accusée tour à tour de misérabilisme, de voyeurisme, de cruauté, assimilée par ses détracteurs à la télé-réalité, Striptease reste aujourd'hui un objet télévisuel non identifié et une institution du PAF. Notre invité aujourd'hui est Mathieu Ortlieb. Il a réalisé plusieurs épisodes de Striptease, dont le mythique Docteur Lulu, et il a écrit un livre intitulé « Mes plus belges années » aux éditions des Chemins Blancs. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec Lina, préparée aujourd'hui par Jeanne Maillère, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Visio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Lundi 2 juillet 2012, 21h. À la télé ce soir-là, deux programmes d'un genre tout à fait différent sont proposés. Sur M6, près de 6 millions de téléspectateurs regardent L'amour est dans le pré. Thierry, éleveur bovin de la Manche, Solange, oléicultrice et Bruno, céréalier, ouvrent leur courrier en présence de Karine Marchand. Des admiratrices et des admirateurs sont prêts, leur écrivent-ils, à tomber amoureux. 2 heures plus tard, sur France 3, l'émission Striptease se penche elle aussi sur la question des rencontres amoureuses en milieu rural, devant plus de 900 000 spectateurs qui attendent avec impatience le retour du programme après 18 mois d'absence. Dans Recherche bergère désespérément, le premier épisode de cette nouvelle saison de Striptease, la réalisatrice Véronique Hout suit un couple d'agriculteurs du Pas-de-Calais, leur petit-fils Damien, 30 ans, célibataire. Pour le marier, les grands-parents sont passés par une agence matrimoniale. Contre 2000 euros, l'entremetteuse a fait venir de Roumanie la jeune Roxana, qui ne parle pas français et se trouve fort mal à l'aise, au point de vite partir pour ne pas revenir. Mal à l'aise, certains téléspectateurs le sont aussi face à la détresse de la jeune fille et à celle de Damien, désespéré par cet abandon soudain, au point de vouloir se pendre. Le soir de la diffusion, une polémique éclate sur Twitter. Un bad buzz, comme on dit. 140 signes pour dire le voyeurisme d'une émission qu'on accuse de racoler sans se soucier de ce qu'elle filme. Mépris de classe, trash TV, manipulation, lit-on sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la presse, où la gêne se propage. D'autant que la grand-mère de Damien, retrouvée par le Parisien, estime avoir été trompée. « Nous ne savions pas que tout était filmé », affirme-t-elle. Après 27 ans, dont 20 sur France 3, eh bien, c'en est fini de Striptease. Une dernière émission, la semaine d'après, et la saison s'arrête, sans que les médias ne le soulignent vraiment. Une mort silencieuse, discrète, comme si le service public voulait cacher la tare dont il était autrefois si fier. Une émission singulière, une institution de la télé franco-belge qui, grâce à Internet, restera culte. Retour en arrière. « c'est clair. Striptease voit tout en noir. Votre pomme, il la prend pour une poire. Il est ringard, il est rasoir. Ce qui vous déplaît, faites-le savoir. Striptease, le magazine qui vous déshabille. En 1982, Jean-Louis Bon et Marco Lamensch, deux reporters belges, sont en Turquie pour l'émission de la RTBF intitulée « À suivre », où ils officient depuis 7 ans. En quelques jours, ils doivent récolter pour un 52 minutes de quoi décrire la situation du pays suite au coup d'état militaire de 1980. La purge des administrations, les lois d'exception, la répression, l'extrême droite et l'extrême gauche, les tortionnaires et les torturés. Il faut tout filmer, tout raconter. Au retour, comme souvent, les deux reporters sont frustrés. Comment bien documenter en si peu de temps un pays qu'ils connaissent mal, dont ils ne parlent pas la langue? Par ailleurs, ils regrettent de ne pas pouvoir donner à leur travail la forme qu'ils souhaiteraient. Une forme exigeante qui allierait la spécificité de la télé et celle de la radio, autrement dit l'image et le son. Tous les deux le déplorent, complexés par rapport au journaliste de presse écrite, le journaliste de télé bourre ses reportages de commentaires illustrés par des images qui pourraient dire l'exact contraire, comme l'explique Marco Lamensch sur France Culture. Restons plutôt dans notre pays, nous sommes nous dit, travaillons plus lentement, essayons de travailler mieux, et pour retirer à nos réalisateurs, à nos journalistes, l'envie de raconter ce qu'ils n'ont pas réussi à filmer, interdisons-leur le commentaire. Simplement, ça oblige à une certaine rigueur dans la construction, et à être non seulement journaliste, mais être en plus réalisateur, c'est-à-dire à penser à ce qu'on fait, et à avoir une certaine cohérence dans la démarche, et dans la réalisation de ce qu'on fait. Et on en est arrivé à faire au sein même de cette émission qui s'appelait « À suivre », comme on aurait fait au sein même d'Envoyé spécial, un numéro spécial qui s'appelait « Striptease », un petit peu par hasard, parce que tous les autres titres avaient été refusés, donc on a pris celui-là. Et ça s'est mis à fonctionner très très vite. Des documentaires d'un genre nouveau sont cette voix off qui dicte aux spectateurs quoi penser, quoi comprendre et qui écrase les protagonistes. C'est bien ça l'idée de Jean-Louis Bon et Marco Lamensch avec Striptease, lancé sur la RTBF en 1985. Une émission mensuelle dont la réalisation serait très soignée, originale, laissant parler l'image, s'essayant à d'autres formes de langage télévisuel, bannissant résolument le docu-cu et son commentaire envahissant, et enfin, laissant la place à l'humour, écrivent Libon et Lamensch dans le projet qu'ils proposent à la RTBF. Autrement dit, une émission qui n'entre dans aucune case, entre journalisme et cinéma, sans public cible ni concept clair. Alors, la RTBF hésite, puis finit par se lancer. La télé publique belge parie avec Jean Libon et Marco Lamensch sur l'intelligence du spectateur pour comprendre sans qu'on lui mâche les choses. Striptease, l'émission qui vous déshabille, c'est son sous-titre, s'intéressera donc, en 4 épisodes de moins de 15 minutes, à des sujets de société traités par le biais de la vie quotidienne la plus banale. Des questions graves, abordées sourire aux lèvres, avec humour, comme le suggère le titre de l'émission, loin des traditionnels envoyés spéciaux et autres droits de savoir. Certains spectateurs confondront d'ailleurs Striptease et Sexy Zap, un programme de M6 qui proposait des sketchs érotiques. Marco Lamensch utilise, lui, le mot « distance ». Une certaine distance, mais qui n'est pas de l'indifférence. C'est-à-dire que on fait quand même attention de choisir nos sujets, de traiter de problèmes fondamentaux, mais d'essayer de ne pas les traiter lourdement. Je crois que c'est quand même pas une des tares, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est vrai que le journalisme, comme vous le dites, a tendance à prendre chaque sujet et en faire un dossier lourd, quelque chose de pesant, de triste. Et comme en plus on se trouve, c'est vrai, dans un registre qui est au confluent de l'information pure et dure, mais d'autre part de quelque chose qui est plus proche peut-être du cinéma ou de la fiction, dans un monde où quand même, c'est vrai que la télévision ne s'est guère renouvelée depuis 10 ans. Si vous regardez toutes les nouvelles émissions depuis 10 ans, je crois qu'à 90%, c'était talk show, ce qui n'est pas trop cher, qui permet de laisser papoter les gens, raconter n'importe quoi. On essaye de faire des choses assez denses, et comme elles sont denses, elles ont intérêt à être légères. Pour mener à bien ce projet audacieux, Jean Libon et Marco Lamensch s'entourent d'une petite équipe de réalisateurs qui, comme eux, veulent renouveler la télé. Parmi les pionniers, Didier Lannoy, André D'Artevel, Michel Leblud ou le prolifique André François qui réalisera par la suite 75 épisodes de Striptease. Des journalistes, mais pas seulement, à qui Libon et la Mensch demandent d'assumer leur subjectivité d'auteur. Car Striptease n'est pas objective, déclare les créateurs de l'émission, mais elle est toujours honnête. Puisque les personnages, Jean Libon et Marco Lamensch, cherchent des situations, toujours singulières mais pas forcément sensationnelles. Dans une rue, s'il y a 35 maisons, il y a 35 sujets, affirme-t-il. Ce que certains collaborateurs appelleront bientôt Aya et Tola, il s'agit de raconter une histoire et non simplement de faire le portrait d'une personnalité haute en couleur. Marco Lamensch refuse également certains sujets rebattus, à savoir, et là je cite Mathieu Ortlieb, les curés, les concierges, les SDF, les alcooliques et les collectionneurs de boîtes de camembert. Mais davantage encore que le sujet, ce qui prime dans l'émission de Jean Libon et Marco Lamensch, c'est le mode de production fondé sur les repérages. Le cofondateur de l'émission l'explique. Il faut d'abord trouver une situation, quelque chose qui soit intéressant, pas simplement la description d'un métier ou d'un, mais plutôt la description d'une situation. Faut faire connaître les gens. Et bien connaître les gens, donc avoir gagné leur confiance et ne pas la trahir. Il y a combien de temps de repérage? Plusieurs semaines? Ah, ça dépend, ça peut durer 2 heures, comme ça peut durer. On a fait un film sur le surendettement, entre le moment où on a décidé de le faire et le moment où on l'a fait, il y a eu 3 ans. Le problème, par exemple, pour le surendettement, c'est que c'est des choses qui se passent lentement, sur des semaines, des mois, voire des années. Et on filme 5 jours, donc il fallait résumer 105 jours. Eh bien, on a trouvé une famille, mais on l'avait contacté avant, où ils sont dans une très très belle maison, puis ils ont eu des problèmes professionnels, et ils sont surendettés, doivent déménager, quitter leur très très belle maison, et aller habiter dans une espèce de gourbille. On a filmé, et c'est cinématographique, les 2 derniers jours dans la très belle maison, le jour du déménagement, et les 2 premiers jours dans le 2 pièces. 3 ans de repérage pour 4 jours de tournage, ça semble beaucoup. Mais c'est ça, la méthode Striptease. Partager au long cours la vie de ceux qu'on va filmer avant de les filmer, pour les laisser se dévoiler et identifier ce qui pourra être raconté. En général, un épisode de 13 minutes demande 1 mois de repérage et au minimum 1 semaine de tournage et 2 pour le montage. Une temporalité de cinéma, davantage que de télé, qui coûte 150 000 euros l'heure d'émission. Un petit luxe nécessaire à la qualité du contenu et de la forme, estiment les créateurs de Striptease, qui ne font pas ou peu de bénéfices. Le 11 janvier 1985, à 20h, le public belge découvre donc, pour la première fois, et en prime time s'il vous plaît, cette nouvelle émission. 3 films d'une 15aine de minutes qui ne ressemblent à rien de ce que la télé a proposé jusqu'à maintenant. L'Arche de Zoé, portrait d'une famille très nombreuse. Le 618 mène l'enquête, une dame qui traque le pyromane de son immeuble. Et Votre mort nous intéresse, ça c'est sur les pompes funèbres. Voilà, le tout enrobé d'un générique décalé pour aider les téléspectateurs à saisir l'esprit Striptease. Un poème impertinent, récité par Martine Matagne, et les notes enjouées d'une fanfare reprenant Batoumombe, un morceau malien de l'orchestre régional de Ségou. À vrai dire, la RTBF ne sait pas trop dans quoi elle s'engage. Mais dès la première diffusion, la presse salue l'audace et le public suit. Cette émission qui vaut mieux que son titre, Striptease, la meilleure émission de la télé actuelle, titre les journalistes. Paris gagné, le ton grinçant de Striptease ne laisse indifférent ni la presse ni le public belge, comme le raconte Marco Lamensch sur France Culture. Ce que je trouvais assez gai, c'est cette idée qu'on était parti, qu'on n'avait pas essayé, comme on le fait souvent de plus en plus en télévision, de faire une émission en s'abaissant à un niveau supposé du téléspectateur. Et la première année de Striptease, on a reçu des tonnes de lettres, mais dont un quart étaient des lettres d'insultes de gens qui ne comprenaient pas ou avec qui on ne se comprenait pas. Et puis 3/4 de gens formidables qui nous disaient, c'était des lettres d'amour. Et je me souviens surtout d'un grand-père qui nous envoyait une lettre en nous disant, écoutez, le mercredi soir, nous nous mettons toute la famille devant la télévision, les 3 générations, nous regardons en silence, puis nous fermons la télévision et nous nous engueulons. Parce que une génération est pour le personnage du premier sujet, l'autre, et il dit, et pour une fois que la télévision, au lieu de nous endormir, nous fait discuter, nous sommes ravis. La fierté des fondateurs de Striptease, c'est d'avoir fait évoluer le regard des téléspectateurs, de l'avoir bousculé ce regard, mais également d'avoir touché toutes les couches de la société belge. Car dans la décennie 1980-1990, en Belgique, Striptease n'est pas une émission à télo. Elle s'adresse aux analphabètes et aux universitaires, aime à dire Marco Lamèche. Chacun peut donc trouver sa porte d'entrée, puisque tous les sujets, ou presque, ont été traités. Petit florilège du kaléidoscope sociétal offert par Striptease sur la RTBF une fois par mois dès 1985. Voici la liste. Martha, 93 ans, la maison de retraite, la douche, la gym. Jésus c'est ouf, immersion chez des catholiques extrémistes. Au doigt et à l'œil, les employés taquins et non-voyants d'une bibliothèque de livres en braille. On a aussi Show Business. Un homme garde le cadavre de sa femme dans son frigo dans l'espoir de la faire revivre. On peut noter également délégation de très haut niveau. Ou le voyage officiel de parlementaires belges en Corée du Nord. Bref, religion, drogue, amour, immigration, maladie, famille, informatique, jeunesse, sexualité, handicap, politique, solitude et prison, dans Striptease, il y a de quoi séduire tout le monde. Et quand il ne se passe rien, c'est qu'il se passe quelque chose. Comme dans Vaisselle, réalisé en 1988 par Manu Bonmariage. Un couple papote en faisant la vaisselle, donc rien ne se passe, si ce n'est le temps. Il y a un petit changement de programme pour demain, là. Encore ? C'est quoi demain ? Bah, c'est-à-dire que... Ah oui, mais de toute façon, demain, ça ne t'intéresse pas. Non, ça, c'est des histoires domestiques. Dans lesquelles, pour le moment, tu n'as pas peur. Alors, je sélectionne. Ben, il a bien résisté au temps. Il manque un petit peu d'être frotté, mais lui, au moins, il bouge pas. Attends, t'as déjà vu comment ça? Pourquoi tu dis ça? Lui, au moins, il bouge pas. Parce que, bon, il noircit un petit peu, je vais le frotter, il va être neuf, tandis que... Et ça marche, au point d'intéresser les voisins français. En 1992, la chaîne publique France 3, contactée par la productrice Véronique Frégosi, décide de diffuser Striptease. Hésitante dès le départ, comme une seconde nature, la chaîne ne va pas immédiatement dépasser ses incertitudes. Le public français va-t-il comprendre? Est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter un présentateur? Tiens, des cartons explicatifs aussi. Et puis à quelle heure diffuser Striptease? Et pour quel public? L'émission est successivement programmée à 23h45, à 17h55, puis en prime time, à des fréquences variables selon les saisons. L'audience, elle, est satisfaisante, et malgré cette programmation changeante, l'émission s'installe durablement sur France 3 sans un écroche majeur. Le cofondateur de l'émission raconte, en 1996, 4 ans après l'arrivée de Striptease en France. Et je crois que c'était le grand problème qu'on a eu en France, c'est de s'insérer dans la grille. J'espère que ça va se résoudre maintenant en septembre. C'est-à-dire qu'on met une série d'émissions en boîte pour pouvoir les sortir de manière hebdomadaire et sans passer 11h30 du soir. Mais sinon, on n'a jamais eu de problème ni politique, ni de fonctionnement, à part ce petit incident que vous aviez gaiement relevé, qui était ce portrait de Chirac, qui je crois devait... du chauffeur de Chirac, chauffeur plutôt, de Chirac, qui je crois avait plu à tout le monde. Je ne sais ce qui s'est passé... Il semblerait, d'après mes renseignements, mais je ne sais pas s'il recoupe les vôtres, que le président de France Télévisions ait fait beaucoup de zèle à cette occasion, voulant protéger sa prochaine réélection. Voilà. Donc voilà, heureusement, de temps en temps, que le journaliste français peut quand même donner quelques grains à moudre aux journalistes belges. Au fil des années, puis des décennies, 80, 90, 2000, Striptease devient une institution de la télé française. Elle n'est pas la plus regardée, mais elle n'indiffère jamais. Docteur Lulu, tiens à droite, pastis sur ordonnance. Certains épisodes vont devenir au fil des semaines des emblèmes de l'émission que tous les fans connaissent, parfois par cœur. Aucun de ces épisodes célèbres n'est plus représentatif qu'un autre de Striptease, riche de 850 documentaires, mais ils ont pour eux d'être particulièrement truculents, drôles, gênants peut-être. Le plus connu de ces épisodes cultes, c'est sans doute La soucoupe et le perroquet. Dans ce documentaire de 1993, réalisé par Frédéric Sillot, un quinquagénaire, Jean-Claude Labra, fabrique une soucoupe volante dans son jardin pour accomplir sa destinée, aller dans l'espace. Sa mère, avec qui il vit, conserve dans une boîte son perroquet mort et toujours vénéré. Dans la cuisine, il prépare des poireaux et il papote. Mais de toute façon, pour un être de notre Terre de troisième dimension, il sera beaucoup plus facile de revenir de la quatrième dimension que d'y aller. Parce que la troisième dimension, finalement, c'est notre dimension. On revient chez nous. De toute façon, il y aura des fluctuations spatio-temporelles non négligeables. Je viens de demander quand tu seras en l'air, comment, à quoi tu penseras. Ah, voilà la grosse question. D'ailleurs, je t'ai dit, je te mets au courant de rien pour que tu ne sois pas éventuellement menacé, pour qu'on ne tente pas de t'arracher mes secrets. Comme ça, si tu sais rien, on ne t'arrachera rien. Ça, c'est... Un condensé de poésie et de solitude qui frôle parfois la démence et qui dit surtout la diagonale du vide. Cette France laissée pour compte, cette France qui rêve d'ailleurs. Au fil des années et des rediffusions, Jean-Claude Labra acquiert une petite gloire médiatique et populaire. On l'invite sur les plateaux télé, des fans lui rendent visite, d'autres même vandalisent sa maison, on le moque et on l'adule tout à la fois. Daniel Mermet lui avait consacré 2 épisodes de Là-bas si j'y suis sur France Inter en 1996 et 2008. Il s'en explique invoquant André Breton. On s'intéresse de plus en plus à Jean-Claude Labra et à sa soucoupe volante. Pourquoi ? Parce que, des gens comme nous, des journaleux, sont venus avec leur micro, leur stylo, leur caméra, raconter cette histoire. Alors il y a ce regard un peu condescendant qu'on a vis-à-vis du doudin. Et puis, petit à petit, l'histoire de Jean-Claude Labra et de sa soucoupe a commencé à hanter un imaginaire. Et il serait bien possible qu'il y ait là-dedans, dans la poésie de ce poète naturel, un grand nombre de métaphores et d'idées. J'aime être stone avec toi, j'aime être stone. Imagine un monde où les animaux nous mangeraient. Ils feraient des ragoûts de nous, des soupes de nous, des burgers de nous. Pourquoi les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à nager? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais su oublier? Pourquoi? J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. Imagine l'homme que les femmes poursuivent dans les rues, réclamant la vie et le cul, mais rien de plus. Tu m'as vu nu. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Pourquoi ma main tient dans ta main et qu'elle se sent bien? Pourquoi ma main tient dans ta main et qu'elle se sent bien? Au fil des années, les réalisateurs de striptease doivent affronter les conséquences du succès de l'émission. trouver les participants devient de plus en plus difficile. La plupart du temps, désormais, les personnes contactées restent sur la défensive, craignant de se faire manipuler ou d'être moquées. Sur 850 films, une quinzaine de plaintes ont été déposées contre Striptease pour 5 procès intentés par des protagonistes qui estiment que la réalité a été truquée et qui se sentent trahis par les réalisateurs à qui ils ont accordé leur confiance. D'autres ne passent pas par la justice, mais se plaignent de l'image qu'ils renvoient d'eux-mêmes. C'est le cas de Colette, après la diffusion de « C'est le must », un épisode réalisé par Mathieu Ortlieb. Cette bourgeoise de Neuilly fait notamment toiletter son chien dans un salon. C'est la première séquence du documentaire « Le ton est donné ». On se calme. Je vais raconter à papa. Je vais chercher Paul. Attention. Oh là là là là là. Qu'est-ce qu'il va dire, papa, si je lui raconte ta mauvaise tenue? Je sens que tu sors dans un restaurant très chicos. On va à l'étoile. Alors, tu veux arriver avec une tête de travers? Je veux 480 francs, s'il vous plaît. L'American Express, vous connaissez? Sans problème. Sans problème. Même la Platinium. Sans problème. Les réalisateurs de Striptease ne montrent jamais le film aux protagonistes avant la diffusion. C'est une règle qui vise à préserver la liberté d'auteur et cette fameuse subjectivité que l'émission revendique comme une marque de fabrique. En revanche, si les créateurs de Striptease assument d'avoir parfois, de rares fois, déçu les protagonistes, ils tordent le cou aux rumeurs. Pas de caméra cachée, tout le monde a donné son accord signé pour être filmé. Car l'excentricité de certains personnages étonne parfois tellement qu'on se demande pourquoi ils acceptent de se ridiculiser ainsi. Tentative de réponse des cofondateurs de l'émission Marco Lamenche. Le ridicule n'est pas intrinsèque. On n'est pas ridicule comme on est brun ou blond, mais par rapport au regard de quelqu'un. Le ridicule, c'est un jugement porté par un groupe de gens sur un autre groupe de gens. C'est-à-dire que des jeunes peuvent trouver des vieux ridicules et vice-versa, ou des pauvres peuvent trouver des riches ridicules et vice-versa, alors que le groupe concerné va tout à fait se reconnaître dans ce qu'on a montré de lui. La plupart des personnes filmées dans Striptease, satisfaites du documentaire qui leur est consacré, ne se sentent pas ridicules, effectivement. Donc ce sont les spectateurs, parfois prompts à la moquerie, qui les jugent comme tels, pas les réalisateurs qui les filment. Au contraire, les fondateurs de Striptease défendent l'humanité et la tendresse de leur regard. Marco Lemensch, créateur de l'émission, reconnaît qu'un tiers des films n'est pas très réussi et que quelques sujets auraient pu être évités, relevant davantage de la pathologie que de l'excentricité. Mais il refuse d'être accusé de manipulation et encore moins de racolage ou de voyeurisme. Certes, il y a des fabricants de secoues volantes, mais leur proportion dans Striptease est infiniment moindre que dans la société, argumente-t-il. Si voyeurisme il y a, ponctuellement, ce sont des erreurs de parcours et en aucun cas un modus operandi. Au contraire, quand l'intime ne raconte rien de la société, Striptease cache plus qu'elle ne montre, explique Marco Lemensch. Je me souviens d'un tournage qu'on a fait dans une famille où il y avait 5 enfants, avec une mère qui était plus très jolie, qui s'était pas fort entretenue, etc. Et à un moment, on la filme, on arrive dans sa chambre à coucher, et la caméra découvre sur le mur un poster avec une jeune fille de David Hamilton, très déshabillée, etc. Et la dame, voyant qu'on a filmé ça, a dit « C'est mon mari qui a voulu ça, il voulait qu'il y ait quand même au moins une belle fille dans la maison. » Et à ce moment-là, le mari arrive et s'ensuit une discussion hallucinante d'une férocité avec, pour finir, le mari qui dit « Mais d'ailleurs, quand je sors faire les courses, je lui demande de marcher 10 mètres devant ou 10 mètres derrière, parce que vous avez vu comme elle est, etc. » Il y avait une séquence de 10 minutes, on a gardé le début pour faire comprendre le type de relation, et on a jeté 8 minutes en se disant « c'est pas la peine d'humilier cette dame, de la réhumilier ». Je connais beaucoup d'émissions qui, au contraire, auraient pris la partie que nous avons jetée. Et on en vient à l'accusation ultime. Striptease, ce serait de la télé-réalité. Le premier scud du genre est envoyé après le premier Love Story en 2001 et revient en 2012 après la diffusion de Berger cherche Bergère, l'épisode de Striptease qui mettra fin à l'émission. Alors que sur Twitter, certains téléspectateurs accusent Striptease de faire de l'audience sur la misère de Damien, le jeune agriculteur de Berger cherche bergère, célibataire en quête d'amour. Le journaliste et ancien porte-parole de l'Élysée, Bruno Roger Petit, écrit cette chronique sur le site du Nouvel Observateur. Striptease, du trash pour bourgeoisie en mal de domination sociale. Il y dénonce, je cite toujours, le voyeurisme bourgeois et l'impitoyable jugement des CSP+, qui contemplent l'émission de la même façon que leur progéniture contemple Secret Story. Erwan Gaucher, alors consultant pour France Télévisions, défend lui l'émission dans le même média en distinguant télé-réalité et le fait de filmer la réalité. C'est dur d'être regardé par des cons, titre-t-il. Ce qui est vraiment choquant, estime Erwan Gaucher, c'est que cette réalité, le désespoir de Damien, la misère sociale, elle existe. En 2018, Marco Lamensch livre son analyse à Jean Lebrun dans La Marche de l'Histoire. Alors je crois que ça n'avait pas eu les réseaux sociaux, c'est vraiment le début du poids des réseaux sociaux. Les choses seraient passées totalement inaperçues. Peut-être que la caméra aurait dû être à un moment un petit peu plus distante et un petit peu plus discrète. Mais enfin, il n'y avait pas de quoi vraiment fouetter un chat. Et... Mais il y avait plus de tendresse à votre époque ? Je crois qu'il y a toujours eu de la tendresse. J'ai l'impression que dans ce film-là aussi, moi je me souviens d'avoir vu le jeune homme, le jeune agriculteur, sans avoir la moindre envie de m'en moquer. Je crois qu'il y a toujours eu cette espèce de mélange de tendresse, mais aussi de distance et d'ironie. Mais ceci dit, comme chaque film de striptease, c'était pas formaté par Libon et La Menge, c'était signé et fait par un réalisateur. Il y a des réalisateurs qui sont plus tendres que d'autres. Si la famille de Damien s'est sentie manipulée par Striptease au point de regretter sa participation à l'émission, c'est peut-être à cause des réactions des téléspectateurs sur les réseaux sociaux qui les ont mis face à leur propre détresse. Des réactions qui autrefois restaient confinées au salon de chacun. Aujourd'hui, elles sont jetées en pâture, 140 signes sur des murs virtuels. Et si tel est le cas, ne serait-ce pas le signe qu'avec Internet, la télé s'est transformée et que Striptease, émission complexe et inchangée depuis 27 ans, aurait dû être repensée, réévaluée pour perdurer. Peut-être. Une chose est sûre en revanche, Berger cherche bergère, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et en 2012, Striptease tire ses révérences. Et bien c'est France 3, l'émission survit sur la RTBF sous le nom depuis 2002 de « Tout ça ne nous rendra pas le Congo, ancienne colonie belge ». Une programmation cependant chaotique, aléatoire et qui interroge. L'esprit Striptease a-t-il toujours sa place sur le petit écran ? D'ailleurs, Striptease, est-ce vraiment de la télé ? En 2018, sort en salle le film documentaire « Ni juge ni soumise » de Jean Libon, cofondateur de Striptease et Yves Inan, réalisateur de plusieurs épisodes de l'émission qu'on entend ici au micro de Charline Vananecker. Nous recevons Jean Libon et Yves Inan. Vous co-réalisez « Ni juge ni soumise » qui est un documentaire long métrage. C'est pas un documentaire. Ah, c'est un... une fiction. C'est une fiction. Mais c'est pas une fiction. Mais bien sûr que si. C'est la réalité quand même, crue. La réalité, ça peut être une fiction. je comprends, mais oui, alors effectivement, alors on va quand même essayer de démarrer en disant, tiens, Madame le juge, elle existe. Elle s'appelle Anne Gruet. Ouais. Elle est vraiment juge. Peut-être. Elle a déjà été l'héroïne de deux numéros de Striptease. Je ne sais pas si Yves Inan, vous aviez tourné ceux-là ou pas. Oui. Et elle ouvre ici un vieux dossier, ce qu'on appelle un cold case, ouais. Avec deux prostituées assassinées dans un quartier chic de Bruxelles. Toujours la méthode Striptease, sans commentaire, l'approche qu'on dit naturaliste, brute. 3 ans de boulot pour suivre cette juge. Le documentaire « Ni juge, ni soumise » est primé en 2018, comme dirait Charline, au Magritte du cinéma et au César. La consécration pour les défenseurs de ce qu'on pourrait appeler la méthode Striptease, des repérages sur le long terme, pas de voix off et de l'humour, beaucoup d'humour. Et si Striptease, plus que la télé, était faite pour le cinéma ? Toujours est-il que les années passant, l'émission reste culte, grâce notamment à la chaîne YouTube, où une grande partie des épisodes sont disponibles. Tellement culte qu'elle attire les convoitises. En juillet 2019, RMC Story annonce le retour de Striptease. Plongée immersive dans la France qu'on ne raconte plus, avec des vrais gens authentiques, passionnés, fit la chaîne privée dans son communiqué. Au programme, des portraits de Yomi, l'as du falafel, figure de la rue des Rosiers à Paris, de Jean-Pierre, taxidermiste, et de Charlie, des ratiseurs parisiens depuis 30 ans. Les fans de l'émission sont ravis, mais leur espoir est vite déçu. De Striptease, l'émission de RMC n'a que le nom. Pas le copie, pas génial, pas le même esprit, lit-on sur Twitter. Et en effet, la comparaison avec le documentaire Ni juge ni soumise, dernier bébé de l'écurie Striptease, réalisé pour le cinéma, ne tient pas, offrant peut-être la preuve que Striptease, ce n'est pas la télé-réalité. Marco Lamensch est lapidaire, lui aussi. Pas d'histoire, pas d'enjeu. Sans regard original. En un mot, un plagiat. Raté de surcroît. Un plagiat, oui. Car ni lui, ni Jean-Louis Bon n'ont été consultés, ni même avertis du retour de l'émission qu'ils ont pourtant créée. C'est un peu comme si votre mère vous faisait un sale coup, explique Marco Lamensch. Car c'est la RTBF, mais oui, avec qui il a travaillé de concert pendant plus de 20 ans. D'ailleurs, coproductrice de Ni juge, ni soumise, qui aurait vendu à la société Matchpoint les droits liés à Striptease. C'est-à-dire le nom, le générique, la musique et le concert. La veille de la première diffusion de cette nouvelle mouture de l'émission, le 27 juillet dernier, Marco Lamensch et Jean Libon ont adressé une mise en demeure à la présidence de RMC Story pour s'opposer à la diffusion de cette nouvelle saison qu'ils qualifient de contrefaçon portant atteinte aux droits moraux. En vain. Jusqu'à maintenant, en tout cas. Striptease, la version originale, c'est donc une épopée télévisuelle unique en son genre qui déshabille la société, le spectateur, mais aussi la télé elle-même. Car l'émission ne se contente pas de nous proposer un format télévisuel inédit et complexe, elle interroge notre rapport à ce format. Pourquoi regardons-nous Striptease? Et pourquoi l'émission nous gêne-t-elle parfois? Est-elle aussi cruelle qu'on le dit? Ou est-ce notre regard qui le devient en réaction au malaise que provoquent certaines réalités de notre société? On se promène comme tous les soirs. On se dit rien. On va de bar en bar. Ça rime à rien. Comme tous les soirs. J'suis seul avec toi. Au stand, bonsoir. Spéliale allume la digue. Tous les soirs, aux couleurs nostalgie, aux couleurs désespoir, il nous peint les marées, le ciel et nos regards. Je suis seul avec toi. Au stand, bonsoir. bière en bière et d'histoire en histoire. Salut Maria, comme tous les soirs. C'est pas grave demain, sera un autre soir. Oh, c'est pas grave demain. Boston, bonsoir. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Striptease, notre invité Mathieu Ortlieb. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur. Vous avez été réalisateur pour Striptease et vous êtes auteur du livre intitulé Mes plus belges années aux éditions des Chemins Blancs. C'est une émission belge, effectivement. Vous êtes français, hein? Ah, tout d'accord. Tout ça, oui, oui. Et vos belges années, ça doit englober, évidemment que ça englobe Striptease. C'est une façon de le dire. Comment en êtes-vous arrivé à réaliser pour Striptease? C'est vous qui êtes allé frapper à la porte ou vous êtes allé vous chercher? Non, pas comme ça. En fait, je regardais la télévision en zappant sur mon téléviseur. Je m'ennuyais un petit peu, en fait. Et tout d'un coup, je suis tombé sur une image, une situation, je me suis dit, mais c'est étrange, on dirait pas un documentaire, c'est pas une fiction, qu'est-ce que c'est ? Un ovni. Un ovni. Alors, je suis allé jusqu'au bout, et là, j'ai vu l'habillage de l'émission, Striptease bout des habits, et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, j'ai très envie de travailler là-dedans, quoi, c'est incroyable, j'avais jamais vu ça à la télévision. Et parmi ça, d'ailleurs, parmi les éléments qui attirent, comme ça, qui surprennent, il y a le générique, non seulement. Alors, le générique. Le dessin et la musique. Ça crée d'emblée une ambiance, une atmosphère. Oui. C'est un chef-d'œuvre, hein, ce générique. Ah oui. Générique. Et puis, Striptease, c'est pas du cul, c'est pire. Je trouvais ça formidable. Ah, ouais, quoi. Alors, oui. Alors, c'est tellement vrai, en plus. Tout à fait. Alors, j'ai téléphoné à Jean Libon et à ma grande surprise, il m'a reçu très vite, et ça, j'étais pas habitué à ça, parce que les productions, il faut envoyer des dossiers, des choses, etc. Ah, c'est un chemin de croix, parfois. Et alors, je l'ai remercié longuement, et il m'a dit, c'est normal, je fais mon travail. Et je trouvais ça formidable. Alors, premier épisode que vous avez tourné, vous vous souvenez, j'imagine. Alors, Docteur Lulu. Ah, Docteur Lulu. J'ai vu les images de Docteur Lulu que j'avais pas vu quand il était diffusé. Et là, c'est une galerie de personnages vraiment étonnante. Ah oui. Alors, Docteur Lulu, en fait, j'avais proposé un film sur les concierges qui m'avait été refusé. Je crois qu'il n'y a pas de concierge en Belgique, apparemment. Alors, je me suis dit, il faut que je trouve un sujet fort. Alors, j'avais l'idée de faire au départ un sujet sur un médecin. Alors, je suis allé voir mon médecin, simplement, je lui ai dit, est-ce que tu n'as pas dans ta clientèle un personnage, une situation forte, etc. Alors, il m'a dit non, non. Et puis, tout d'un coup, il s'est écrié, mais si, bien sûr, Docteur Lulu. Alors, il m'a raconté un petit peu ce que faisait Docteur Lulu. En fait, c'était un SDF, il était chez lui, et il recueillait des SDF chez lui. Absolument. Et il avait des velléités de docteur, en fait. Il rêvait d'être docteur. D'ailleurs, il le dit à un moment dans le film, il dit « J'ai appris la médecine de l'enfance jusqu'au cancer dans un dictionnaire. » Je trouvais ça formidable. Alors, je suis allé le voir. Alors, mon ami docteur m'a dit « Fais attention, ça sent pas la rose, c'est très très fort. » Effectivement, quand je suis arrivé là-bas, il y avait un chien qui était dans la maison, hein. Dans sa maison, qui était un rez-de-chaussée, une espèce de masure épouvantable. Enfin, ça sentait très fort. Lui était absolument adorable, Lulu, mais il voulait pas tourner au début. Ça lui disait rien. Il a fallu que j'arrive à le convaincre. Ah, j'en arrive à la question comment on les convainc, les gens, c'est ça? Alors, ça prend du temps. Ça a pris beaucoup de temps avec lui. Mais je lui ai dit, mais vous aimez la médecine, vous échangez avec le docteur Liger. Qui lui est vrai médecin, hein. Qui est vrai le médecin. Et c'est ça que j'ai envie de raconter, c'est l'échange que vous avez tous les deux. Et puis, en même temps, Lulu, tu t'occupes des SDF, c'est important, c'est une chose importante que tu fais. Alors il a fini par accepter, et on est parti avec les petites équipes tourner pendant quelques jours. Et au bout de combien de temps les protagonistes de l'histoire que vous racontez, parce que c'est l'histoire de leur vie, c'est donc un vrai récit, hein, c'est une histoire. Ah, oui. À partir de quel moment, alors vous voulez me dire ça dépend des cas, mais ils se sentent complètement à l'aise au point d'oublier la lumière et la caméra. S'ils l'oublient d'ailleurs, s'ils l'oublient. Oui, s'il l'oublie, moi je pense qu'il... On a l'impression qu'il l'oublie, quand on les voit. Non, je pense qu'il l'oublie. Moi, il m'est arrivé une anecdote là-dessus. Une fois, je tournais toute une journée, mais en repérage. Et à la fin de la journée, j'avais fait 5-6 cassettes. Et le type me dit, mais alors pourquoi vous tournez pas? Moi, je lui dis, j'ai fait 6 cassettes déjà. Et alors, je sais pas, on avait la faculté de se faire oublier, mais aussi, je pense que quand on voit les gens avant en repérage très très longtemps, il y a un mystère, il y a quelque chose de mystérieux qui s'installe. Le naturel revient au galop, comme dirait Marco. Hein, et les choses se passent naturellement. Et quelles étaient les équipes quand vous alliez tourner? Vous étiez 4, 2? Non, on était 3. Il y avait le réalisateur, le cadreur et l'ingé son. Vous avez dû vous poser la question souvent de savoir quand les gens acceptaient et pourquoi ils acceptaient. Est-ce que, par exemple, c'était pour se sentir moins seul? Ah non, ça je pense pas. Non. C'est pas une question de solitude, c'est une question peut-être de reconnaissance. Alors, suivant les situations, parce que j'ai fait un film sur une mère avec son fils handicapé, et elle avait des problèmes avec les services sociaux. Elle n'arrivait pas à avoir des aides, etc. Elle habitait au 4e étage, on lui avait pas attribué un logement possible avec le fauteuil de son fils. Et voilà, ça l'a motivée. Mais sinon... je pense pas que ça. Je pense que les gens sont gentils en fait. Ils ont envie de vous rendre service. Et puis c'est la sympathie qui s'établit entre les gens. Oui. Je pense que si vous, moi j'ai toujours pensé à Striptease que si vous parlez un peu de votre vie aussi, si vous échangez avec eux, alors vous rentrez un peu dans la famille. Ouais. Voilà, je pense. Moi, en tout cas, c'était ma méthode. Et vous pensez pas qu'il peut y avoir aussi un besoin de reconnaissance, besoin d'être connu, besoin pathologique de passer à la télé, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie? Parce que ça existe, ça. Ça rend les gens un peu fous. Oui, moi, j'ai jamais... Moi, ça me faisait fuir, ce genre de situation, quelqu'un qui veut absolument passer à la télé. Alors, j'ai fait un film sur mon frère, mais c'est pas... Il m'a pas supplié de passer à la télé. Il m'a simplement dit, j'ai une situation intéressante avec mon fils. C'était quoi d'ailleurs? C'était décollage immédiat. Il vivait avec son fils et je me suis dit, j'étais un peu en panne d'un sujet. Alors un jour j'étais avec lui, j'ai fait un rush que j'ai appelé chiant contre chiant parce qu'en fait, pour faire le jeu de mots, et nous nous sommes expliqués comme ça assez longuement. J'ai montré ça à Jean Libon. Il m'a dit, mais écoute, c'est formidable, toi qui veux faire des bonus sur le DVD. Mais qu'est-ce que tu veux faire comme histoire, alors, hein? Parle bien le belge, je trouve. Bah, oui, je parle belge. Oui. Bah, avec toutes ces années, j'ai fini par parler un peu belge. Mes belges années. Il faut le dire avec l'accent, sinon ça passe pas. Bon, bah, j'irai prendre la cour auprès de mon ami Charline et d'Alex. Tout à fait. On les a sous la main. Bon, alors. Bien. Écoutez, on va écouter maintenant un extrait d'un de vos documentaires, hein. D'accord. 600 grammes de hachis, vous vous souvenez, évidemment. Oh là! Un épisode que vous avez réalisé en 2005, dans lequel vous suivez Ludovic, un jeune homme qui rêve de réaliser un film, la plus grande fresque internationale jamais réalisée depuis des décennies. Et alors, il est confiant, très confiant dans la faisabilité de son film. Il imagine 77 acteurs, 10 000 figurants, ça s'appelle du rêve. Je suis en train de chercher des producteurs. J'ai déjà contacté Vega Film. Mais t'as retravaillé un peu le scénar ou pas? Toutes les modifications, je les mets par écrit. Mais les échos que j'ai eus, les trois personnes qui l'ont lu, il y a eu un producteur, il y a eu un responsable casting, et il y a eu une agent artistique. J'ai entendu merveilleux, j'ai entendu enthousiaste et j'ai entendu grandiose. Et les trois sont d'accord pour se lancer directement dans le projet. Mais c'est toutes les critiques qu'ils ont pu faire. Ils ont dit émotionnellement, c'est que c'est une des œuvres les plus fortes qu'ils avaient eu l'occasion de voir, même par rapport au cinéma américain. Et ils m'ont dit que j'aurais pas de grands problèmes à le monter. Et Cannes, ça t'angoisse ou pas? Non, pas du tout. Je sais le projet que j'ai, Jean-Paul, c'est ça. Ah, le projet, oui, non, mais tu vois, c'est ça, je sais. C'est la première fois que tu vas à Cannes, quand non, même. Non, ben ça, j'ai pas peur. Hein. Rien du tout. Non. Là, confiant. Je sais exactement ce que je vaux et ce que j'ai. Donc, c'est pour ça que je suis confiant. Mais écoute, c'est bien, hein. Ouais. Je sais ce que je vaux et ce que j'ai. Racontez-moi un peu le contexte, l'histoire de ce tournage. Où est-ce qu'on est là quand on les écoute? Alors là, on est dans une chambre de bonne, dans la chambre de bonne où habite Ludovic pendant son séjour. Quel âge il a, pardon? À l'époque, il avait 22 ans, je crois. Ah, c'est ça, il voit jeune, oui. Oui, il est très jeune, oui, il avait 22 ans. En fait, moi, au départ, je voulais faire un film sur quelqu'un, un technicien de cinéma ou un metteur en scène un peu mégalo. Ah, alors, vous avez été servi, là? Ah oui, alors j'ai été servi, alors j'ai cherché, mais alors pour le trouver, très difficile, j'ai appelé tous mes copains, alors je sais pas, peut-être qu'ils travaillent beaucoup, bon. Et je suis tombé sur un ami scénariste, Jean-Paul Feuillebois, qu'on entend ici dans l'archive, et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu n'aurais pas, tu écris des scénars, tu es script docteur, est-ce que tu n'aurais pas dans tes relations quelqu'un qui pourrait convenir? Je cherche un type un peu dingue, quoi, un peu fou, qui s'y croit vraiment, etc. Et m'a dit, bah écoute, il est en face de moi, je te le passe. Voilà comment c'est parti. Non, toujours cette part de chance. Hein, c'est une part de chance. Oui, oui. Ça, il faut chercher coup de pouce, la chance. Il fallait aller la provoquer, comme on dit. Bien, alors, je crois qu'après la diffusion de ce numéro-là, Marie Drucker a présenté le protagoniste Ludovic dans son JT comme un mythomane et il se serait senti trahi, c'est ça? C'est pas le seul, moi aussi, un peu. Hein. Quand l'émission est passée, j'étais chez le compositeur qui avait fait la maquette du film de du rêve de Ludovic. Et parce que j'avais sympathisé avec eux, ils m'avaient invité à manger ce soir-là, etc. Et quand on a entendu, en tout cas moi quand j'ai entendu « Alors vous allez voir ce soir le portrait d'un mythomane », alors là, franchement les bras m'en sont tombés. Hein. Mmh. Et le téléphone a sonné. Où ? Dans ma poche. Et, qu'est-ce qui se passe? Oui, tu nous prends pour un con, etc. Enfin, parce que ils se sont sentis injuriés. Les gens qui avaient tourné dans le film, surtout la petite secrétaire de production, qui avait très très mal pris la chose. Ludovic, pareil. Et surtout, le problème que ça a eu, c'est que je pensais faire une suite. Ouais, et ça vous a découragé. Oui. Ça m'a pas découragé, mais ça vous a empêché. Pratiquement, puisque en fait, Ludovic a envoyé une lettre recommandée à France 3, patati, ça foutu un pataquès. Mais il m'en voulait pas. On a pas mal insisté, parce que c'est ce qu'on a ressenti au sein de l'équipe d'Affaires Sensibles, sur le côté cinéma de cette production-là. Est-ce que c'était quelque chose de prégnant chez vous, de vouloir faire du cinéma en faisant de la télé? Alors, déjà parce qu'il n'y a pas de commentaire off, c'est des plans séquences. Est-ce que cette dimension cinéma qu'on a ressenti, elle était aussi dans votre esprit? Oui, moi tout à fait. En tout cas, disons, j'ai toujours été davantage attiré par le cinéma que par la télé. Il s'est trouvé que j'ai travaillé avec Striptease, et tant mieux. Mais je me souviens de... Je trouve que la grammaire se rapproche plus du cinéma que de la télé. Mmh. Et quand on travaille, il y a une écriture, il y a une dramaturgie. On ne peut pas écrire. Moi, je me souviens très très bien que quand je préparais un Striptease, j'écrivais. Ça me servait à rien, c'était pour moi. Mais j'écrivais des choses possibles, comment le film pouvait tourner ou ne pas tourner. Et un storyboard, une espèce de storyboard écrit, parce que je sais pas dessiner, alors storyboard. Et ça aide beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait ça dans le film avec les aveugles. J'avais fait un découpage précis, mais les techniciens étaient très très surpris de voir ça. Et finalement. Et finalement, ça aide beaucoup, parce que vous arrivez pour tourner, vous savez un petit peu de quoi il retourne. Mais c'est pas de la scénarisation. Hein. On n'a plus qu'une minute, mais justement, on va pas passer à côté. Ouais. La télé-réalité arrive au milieu de tout ça, et la question qui tourne, Striptease, finalement, ce serait pas de la télé-réalité, alors qu'est-ce que vous répondez à ça? La télé-réalité, c'est les gens qu'on met ensemble, on l'enferme, on les regarde comme des rats de laboratoire. Enfin, et en plus, ce sont des gens qui sont payés, ils sont rémunérés, etc. etc. Et je vois pas tellement j'ai jamais compris cette comparaison. Personnellement, jamais compris cette comparaison. Alors que, qu'est-ce qu'on faisait, nous, à Striptease? Ben, on essayait de raconter une histoire, une véritable histoire, pas autre chose. Mais la télé-réalité, enfin, personnellement, je ne sais pas quoi répondre à ça. Elle met en scène, elle met en scène. Ah non, nous, on n'est pas. Et vous, non? Indirectement. C'est pas de la mise en scène. Avec les aveugles. La mise en situation, en fait. La mise en situation. Avec les aveugles. Il reste quelques secondes, pardon de vous couper. Votre numéro préféré parmi ceux les aveugles. J'adore les aveugles, mais eh bien, regardons les aveugles sur YouTube. Okay. Tout est disponible sur YouTube. Tout. Merci infiniment, Mathieu Ortlieb. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Striptease, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Et si le cœur vous en dit, vos commentaires. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Berman.